Nous voulons participer et prendre part à ton onction dans sa diversité. Bénis ton serviteur qui va nous parler. Que ton règne vienne et que tout te soit soumis. Et que tu accordes à ton serviteur de parler librement par la vertu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Amen. Et nous accueillons notre homme de Dieu. Tunamkaribisha mtu wa Mungu. Est-ce qu'on peut l'accueillir bien? Je tunaweza kumpokea vizuri. Bonsoir à tout le monde. Salamu kwa wote. Est-ce qu'on peut se tenir debout et offrir au Seigneur des acclamations vigoureuses? Je tunaweza kusimama na tumshangilie Mungu kwa nguvu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mnaweza kuketi tafadhali. Alors nous poursuivons comme nous avons commencé hier. Tunaendelea kama vile tulivyoanza jana. Hier nous avions parlé de la nécessité de l'onction. Jana tulizungumzia umuhimu wa upako. Nous avons compris que l'onction, c'est le moyen divin pour étendre les limites de l'homme. Tulielewa ya kwamba upako inakuwa njia ya Mungu ya kupanua mipaka ya mwanadamu. Et promesse a été faite de parler de ce soir de trois manières d'agir de l'onction. Na tuliweza kuahidi ya kwamba leo tutazungumzia juu namna tatu ya kutumika ya upako. Trois manières d'agir de l'onction. Namna tatu ya kutumika ya upako. Cela va nous plonger dans le mécanisme de l'onction. Hii tatuweka ndani ya mitumikio ya upako. Dans les mécanismes de l'onction. Ndani ya mitumikio ya upako. Comment l'onction de Dieu agit? Namna gani upako wa Mungu unatenda? Comment l'onction de Dieu opère? Namna gani upako wa Mungu unatumika? Parce que nous sommes dans cette thématique de l'onction diversifiée, mana tuko ndani ya hii mada upako kwa viwango vingi. Il est important que nous comprenions ces différents aspects de l'onction. Ni ya muhimu sana kuelewa hii vipengele fulani vya upako. Alors je vais vous inviter à prendre à nouveau Zacharie 4 verset 6. Nitawalika mchukue tena Zakaria 4 mstari wa 6. Zacharie chapitre 4 et le verset 6. Zakaria sura 4 mstari wake wa 6. Nous lisons, alors il reprit et me dit. Kisha akasema. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Hili ndilo neno Bwana Mungu anamwambia Zorobabeli. Ce n'est ni par la puissance, si, kwa uwezo, ni par la force, ama kwa nguvu, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lakini ni kupitia roho wangu wasema Bwana wa majeshi. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Wewe ni nani mlima mkubwa mbele ya Zorobabeli? Tu seras aplani. Mana utashushwa. Il posera la pierre principale. Ataweka jiwe au milieu des acclamations. Miongoni mwa shangwe. Grâce, grâce pour elle. Neema, neema kwa ajili yake. Acclamons la parole de Dieu. Tushangilie neno la Mungu. Nous avons vu hier. Tuliona jana. Que le test ou le message que Dieu a confié à Zacharie pour Zorobabel. Kwamba ujumbe ambao Mungu aliambia Zakaria juu ya Zorobabeli. Était selon un contexte bien précis. Ilikuwa ni kufuatana na mazingira fulani. Il y avait une opposition ourdie contre les Juifs et contre le projet de la reconstruction du temple. L'opposition était d'une telle férocité que les travaux ont été interrompus. Et cependant, c'est suite à un édit de l'empereur Cyrus que les Juifs ont quitté Babylone pour Jérusalem en vue de la reconstruction du temple. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que Dieu nous envoie, ce n'est pas parce que Dieu nous commissionne que nous ne rencontrerons pas d'obstacles sur le chemin. La mission peut venir de Dieu. L'orientation peut venir de Dieu. Elle peut être authentique. Elle peut être vraie. Mais elle ne nous dispense pas des obstacles devant. Dieu nous envoie, mais le diable peut s'opposer. Et ce n'est pas parce que Dieu nous envoie et que nous rencontrons des oppositions que nous devrons douter de la mission de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est Dieu lui-même qui était derrière la signature de ce décret autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem en vue de bâtir le temple, de reconstruire le temple. Lorsqu'ils arrivent, nous l'avons vu, Esdras chapitre 1, le peuple retourne. Esdras chapitre 2, on nous donne le recensement de ceux qui retournent. Donc Esdras chapitre 1, c'est l'édit, le décret. Esdras chapitre 2, le recensement de ceux qui reviennent. Esdras chapitre 3, on voit déjà les activités qui commencent avec le relèvement de l'autel de Dieu. Esdras chapitre 4, l'opposition pointe le nez, une opposition comme jamais auparavant, et les travaux vont être arrêtés. Zorobabel, Josué, Joshua, et à leur suite tous les Juifs, ils vont abandonner la reconstruction du temple au profit de leurs propres activités. Vous savez, une des choses que nous devrons comprendre, c'est que l'opposition nous dévie de notre destinée si nous ne veillons pas. Quand tu fais face à l'opposition, quand tu fais face à l'adversité, quand tu fais face aux difficultés, il faut avoir suffisamment d'intelligence pour comprendre premièrement que les difficultés ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Pour comprendre deuxièmement que les difficultés ne signifient pas que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux avoir des obstacles tout en étant dans la volonté de Dieu. Tu peux avoir des obstacles alors que Dieu est avec toi. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Jésus est né de Dieu. Il a été conçu de Dieu. Et à Bethléem, quand les mages sont venus rendre visite, il y a une opposition qui s'est levée à travers la personne d'Hérode. Hérode dit, quand vous aurez fini de rendre visite au bébé, à l'enfant, revenez. Donnez-moi des informations. Et j'irai moi-même l'adorer. Il y avait un obstacle. On pourrait bien se demander, puisque Dieu savait que Hérode était méchant, que Hérode était opposé à son règne, pourquoi Dieu a permis que Jésus naisse à Bethléem? Les voies de Dieu sont les voies de Dieu. Et cet après-midi, nous allons comprendre qu'en fait, nous redoutons les obstacles, mais Dieu n'a pas peur des obstacles. Nous avons peur des obstacles. Les obstacles nous décourage, les obstacles nous distraient, mais les obstacles, c'est la plateforme que Dieu recherche pour intervenir dans notre vie. Dieu n'a pas peur des obstacles, Dieu n'a pas peur de l'adversaire. Dieu utilise les obstacles comme matière pour interférer dans notre vie et pour faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Les obstacles élèvent élève Dieu. Les obstacles glorifient Dieu. Les obstacles permettent à Dieu de se manifester et de montrer de quoi il est capable. C'est pourquoi si nous avons des obstacles, c'est que nous sommes prêts à découvrir Dieu dans une autre dimension. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les obstacles vitisho nous permettent vinatuwezesha de découvrir Dieu tugundue Mungu dans une autre dimension ndani ya kiwango kingine. Di amen. Sema amina. Le peuple d'Israël watu wa Israeli va être confronté à un obstacle terrible. Watakutana na kitisho kubwa. Et vous savez quoi? Na unajua nini? Ils associent le roi à Tarzerzes. Wanamkamata mfalme Artaxerxes. Prenons Esdras chapitre 4. Tuchukue Ezra sura 4. Esdras chapitre 4. Ezra sura 4. À partir du verset 1. Kuanzia mstari wake wa kwanza. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maadui wa Israeli wakelewa ya kwamba walikuwa wanajengea Mungu hekalu. Il vint auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dit. Na wakakuja karibu na Zorobabel na wakubwa wa jamaa na kuambia. Nous bâtirons avec vous. Tutajenga pamoja nanyi. Car vous, comme vous, nous invoquons votre Dieu. Maana kama nyinyi tunamuomba Mungu wenu. Vous avez bien suivi qu'ils n'ont pas dit nous invoquons Dieu. Mumelewa vizuri ya kwamba kusema kwamba sisi tunamuomba Mungu. Nous invoquons votre Dieu. Lakini tunamuomba Mungu wenu. Dieu n'est pas leur Dieu. Ni kusema Mungu si Mungu wao. C'est notre Dieu. Lakini ni Mungu wetu. Mais ils disent qu'ils invoquent. Lakini wanasema kwamba wanamuomba. Ils invoquent sans pour autant qu'il soit leur Dieu. Ni kusema wanamuomba bila kuwa Mungu wao. Comme vous, kama nyinyi, nous invoquons votre Dieu. Tunamuomba Mungu wenu. Nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des âges à Adon. Zabihu toka wakati wa Adon. Roi d'Assyrie, mfalme wa Assyria, qui nous a fait monter ici. Ambaye ametupandisha hapa. Ils étaient donc dans une sorte de confusion. Ni kusema walikuwa ndani ya mchanganyiko. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël. Lakini Zorobabel na wengine wakubwa wa jamaa za Israeli. Leur répondit. Wakawajibu. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Si kwa nyinyi ama kwetu kujenga nyumba ya Mungu. Nous la bâtirons nous seuls si à l'Éternel. Le Dieu d'Israël comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Mungu wa Israeli kama vile mfalme Kiro mfalme wa Persia alituamuru. Verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnaient à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus. Vous notez bien, pendant toute la vie de Cyrus. Ça a pris du temps cette affaire. Sous le règne d'Azuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une lettre, une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Du temps d'Atarzerzès, Bishlam, Mithradat, Tabil, et le reste de leurs collègues écrivit à Artaxerxès, roi de Perse. Vous connaissez la suite, donc je peux me permettre de m'arrêter là. Ils écrivirent une lettre d'accusation. Et cette lettre va amener le roi à décréter l'arrêt immédiat des travaux. Et donc, quand les travaux sont interrompus, les gens pensaient que Dieu allait intervenir dans l'immédiat. Un an passe. Lakini mwaka moja deux ans passent, trois ans passent, bref, les années se succèdent na et il n'y a pas d'intervention divine en vue. Et donc, Zorobabel et ses amis vaquent à leurs propres occupations et commencent à travailler à leurs propres projets. C'est alors que Dieu va susciter deux voix prophétiques, Zacharie et Agée. touché. Dites avec moi deux voix prophétiques. Quand vous entendez voix prophétique, c'est que nous sommes dans la première manière d'agir de l'onction. Le premier élément qui rentre dans l'opération ou dans le mode opératoire de l'onction, c'est la révélation. Dites avec moi la révélation. Dieu est un Dieu de révélation. L'onction procède par révélation. Ça veut dire quand Dieu veut faire quelque chose d'une façon ou d'une autre, il envoie une révélation. Souvent, nous ne sommes pas à même d'entendre. Nous ne sommes pas à même de voir. Mais la Bible dit, en Job chapitre 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, Dieu est un Dieu de révélation. La révélation précède l'action de Dieu. Dieu ne fait rien sans révélation avant. Dieu se devance. Il se fait précéder par la révélation. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple meurt par manque de révélation. Parce que la révélation prépare l'action de Dieu. Écoutez-moi très bien. Chaque fois que vous entendez une révélation, si elle vient de la bouche de quelqu'un qui est crédible, sachez une chose, la révélation est un indice que quelque chose est en train de se décider là-haut. My God, la révélation est une indication que le ciel, que le conseil divin est en train de se mettre en place pour décider d'un certain nombre de choses. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne parle pas en vain. Quand il parle, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Et c'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin de cela. Et j'espère que dans le cours de cette convention, nous aurons l'occasion de voir comment vous et moi, nous pouvons activer les révélations de Dieu. Oui, nous pouvons provoquer Dieu pour que Dieu nous révèle des choses. Nous pouvons amener le ciel à nous révéler des choses. Dites avec moi révélation. Avant que Dieu n'entre en action, il révèle. Vous savez, avant que Jean-Baptiste ne vienne au monde, Dieu a envoyé un ange pour parler à Zacharie. Zacharie, toi et Elisabeth, vos prières ont été exaucées. Ça veut dire quoi? Révélation. Dis avec moi révélation. Dieu révèle toujours. Si vous prenez la Bible, de la Genèse jusqu'à Malachie, dans chacun des 39 livres de l'Ancien Testament, il y a des révélations annonçant la naissance de Jésus. Dieu est un Dieu de révélation. Comment pouvons-nous imaginer Dieu qui ne parle pas? Peuple de Dieu, estimons-nous heureux. Réjouissons-nous. Parce que notre Dieu n'est pas muet. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Comment celui qui a fait la bouche peut être muet? Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu suscite Zacharie et Agé. Mungu anamsisimua Zacharie na Agai. Et se mettent à prophétiser. Na wanaanza kutabiri. Vous savez, la valeur d'une révélation, unajua samani ya ufunuo, c'est qu'elle est capable de briser la léthargie. Inakuwa na uwezo wa kuvunja usingizi wa kiroho. Écrit ça. La valeur d'une révélation réside dans sa capacité à briser la léthargie, la paresse, la négligence, l'indifférence. La révélation met fin à la peur. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est dans une sorte de confusion. Et on se demande est-ce que Dieu ne nous a pas abandonnés. On a prié. Umeomba. Et pendant un bon moment, Dieu ne dit rien. Na wakati fulani Mungu asemi kitu. Mais quand Dieu commence à parler, lakini Mungu anapoanza kusema, commence à te réjouir. Unaanza kufurahi. Parce que le ciel va entrer en action. Sababu mbingu zitaanza kutenda. Acclamons le Seigneur. La révélation. Ufunuo. C'est le premier élément dans la façon d'agir de l'onction. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne fait rien sans révéler ce qu'il veut faire à ses amis. C'est pour ça que Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, je prie sans cesse afin que Dieu vous accorde un esprit de révélation et de sagesse, que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que ce que les autres ne voient pas, vous puissiez voir. Qu'est-ce qui a fait la force de Moïse? Qu'est-ce qui a fait la force de Moïse? Il voyait l'invisible. Il voyait l'invisible. Quand on peut voir l'invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le voir entre l'invisible et l'invisible a été ôté. De sorte qu'en étant dans le visible, on peut voir dans l'invisible. Écoutez-moi très bien, rien ne peut arrêter quelqu'un qui voit dans l'invisible. Je dis rien ne peut arrêter quelqu'un qui voit dans l'invisible. C'est pourquoi un homme de vision, rien ne peut l'arrêter. Les circonstances ne peuvent l'arrêter. Et je suis là pour dire à quelqu'un, si la vision qui est dans ton cœur, le rêve qui est dans ton cœur, le projet qui est dans ton cœur, si cela vient vraiment de Dieu, les circonstances ne peuvent pas t'arrêter. Les difficultés ne peuvent pas t'arrêter. Tout ce que tu vois ne peut pas t'arrêter. Parce que tu sais que tu vois ce que les autres ne voient pas. Les autres voient ce que tu as aujourd'hui. Mais toi tu vois ce que tu seras demain. Révélation. Ufunuo. Révélation. Ufunuo. C'est le premier élément. Inakuwa ni jambo la kwanza. Quand l'onction veut entrer en action, wakati upako unaanza kutumika, il libère des révélations. Mungu anachilia upako. Ça peut être par un songe. Inaweza kuwa ni kupitia ndoto. Ça peut être par une vision. Inaweza kupitia maono. Ça peut être par une prophétie. Inaweza kupitia par le rema dans une prédication. Inaweza kuwa ni rema ndani ya mahubiri. Na hii mambo yote, ça passe par une révélation. Inapitia ndani ya ufunuo. Tantôt d'une manière, namna kwa namna moja. Tantôt d'une autre. Ama kwa namna nyingine. C'est dans notre intérêt d'implorer Dieu pour qu'il nous révèle les choses. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Et des fois, Dieu reste les bras croisés. Pas parce qu'il n'a pas envie d'agir. Mais parce que le moment n'est pas encore venu. Et quand le moment arrive, na wakati muda unafika, il nous donne des indices. Anatupatia alama za kuonyesha. Les des indices. Na moja wapo ya alama. On va commencer à faire des songes. Itaanza kupata ndoto. On va commencer à entendre des prophéties. Utaanza kusikia unabii. Il y a des gens qui vont nous dire, ah mais j'ai rêvé. Kuna watu watakwambia niliota ndoto. Tu étais en train de donner à tete à un bébé. Ulikuwa ukimnyonyesha mtoto. Tu n'es pas encore marié. Lakini wao dans ta famille personne ne se marie. Et on rêve, on te voit en train de donner à tete à un bébé. Ça veut dire que le ciel est en train de prendre des décisions en ta faveur. Ça veut dire que le ciel est en concertation. Et Dieu a libéré des flashs. Et quelqu'un dans ton entourage, la personne peut être à Kine. La personne peut être loin de Kine. La personne peut être à Bujumbura. La personne t'appelle. Et la personne te dit, mais tu t'es marié, tu ne m'as pas dit. Et tu lui dis, non, je ne suis pas marié. Il dit, mais je t'ai vu dans un grand cortège. Les gens étaient en train de te célébrer. Je réjouis avec toi. C'est la révélation. La révélation annonce ce qui va arriver. Zacharie dit. Zacharie anasema. Ce n'est ni par la force. Si kwa nguvu. Ce n'est ni par la puissance. Si kwa uwezo. Mais par mon esprit. Maintenant, comment l'esprit va entrer en action? Sasa namna gani roho itaanza kutumika? L'esprit va révéler. Roho itafununu, itafu. Et l'esprit dit ceci. Itasisimua. Montagne. Anasema mulima. Qui es-tu? Wewe ni nani? Devant Zorobabel. Mbele ya Zorobabel. Qui est cette montagne? Huu mlima ni nani? Le dit d'Atardesis. Mungu wa Kitarka. Le décret du roi Azurus. Ilikuwa ni amrisho mfalme. Mais ça c'est une montagne. Anasema hii ni mlima. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Tunaweza kufanya nini? Le roi a signé un décret. Mfalme aliweka sahihi kwenye amrisho. Tunaweza kufanya kitu. C'est une vraie montagne. Inakuwa ni mlima kweli. Quelle est cette montagne? Na mlima huu ni nini? Tous les ennemis de Juda. Madu wote wa Yuda. Qui veillaient. Ambao walikuwa wanatesa. Au respect scrupuleux. Ili. De la décision du roi. Wa Yuda waheshimu ile amrisho la mfalme. Et cependant, na hata sasa, Dieu dit, Mungu anasema, montagne, mulima, qui es-tu devant Zorobabel? Wewe ni nani mbele ya Zorobabel? Ça, c'est pas Zorobabel qui a pensé ça. Ou sio Zorobabel aliyeifikiri. C'est pas Josué qui a pensé ça. Sio Yoshua aliyeiwaza. Mais c'est là, ri. Lakini, ni, c'est là, ni nini? Dites-le fort, c'est là, ni. Chaque fois que tu reçois une révélation, kila mara unapopokea ufunuo, quelle qu'en soit la coloration, iwe inakuwa na rangi gani? Parce que la révélation peut venir sous la forme d'un jugement. Sababu ufunuo unaweza kuja kama hukumu. La révélation peut venir sous la forme d'une menace. Ufunuo unaweza kuja kama shambulizi. La révélation peut venir sous la forme d'une mise en garde divine. Ufunuo unaweza kuja kama angalisho ya kimungu. Mais tranquillise-toi. Sasa. Dieu ne révèle rien à quiconque à moins d'être sur le point d'agir dans la vie de la personne. Mungu afunue kama haiko tayari kutenda ndani ya maisha mtu. Quand la révélation prend la forme d'un jugement. Hata wakati ufunuo inaonekana kama hukumu. Souvenez-vous, Dieu châtie ceux qu'il aime. Mkumbuke Mungu anawaasibu wala anawapenda. Donc si Dieu veut me juger, ni kusema kama Mungu anahitaji kunihukumu. C'est parce que je lui appartiens. Ni sababu mimi ni wake. Si Dieu veut me juger, kama Mungu anahitaji kunihukumu. C'est parce qu'il veut que j'apprenne quelque chose. Ni sababu anapenda nijifunze jambo fulani. Quoi qu'il en soit, ni kusema iwe la révélation de Dieu a une valeur de grâce pour nous. Inakuwa na samani ya neema juu yetu. La révélation est une valeur ajoutée. Ni kusema ufunuo inakuwa ni samani ambayo inaongezeka. Il faut pas se priver de révélation. Hayomba ukose ufunuo. La première action. Tendo la kwanza. De l'onction. Ya upako. C'est quoi? Ni nini? Ufunuo. La révélation. Ufunuo. La révélation. Ufunuo. Je demande aux chrétiens. Ninaomba wa Kristo. Quand ils jeûnent. Wakati wanafunga. Quand ils prennent des moments de jeûne sérieux. Wanapochukua wakati wa mafungo kabisa kweli. Ils ont un cahier. Wakuwe na buku. Pour noter tous les rêves qu'ils font. Ambao wanaandika ndoto zote wanazopata. Même si c'est des cauchemars. Hata kama ni ndoto mbaya. Unaandika. Faut noter. Unaandika. Après le jeûne. Unakisha mafungo. Tu traduis tout ça là en prière. Unatafsiri yote unaiweka ndani ya maombi. Il y a des choses que Dieu va dire aujourd'hui. Ndani ya mambo ambayo Mungu atasema leo. Que certains ne comprendront pas. Kuna wengine hawataelewa. Mais tu ne les comprendras que dans 5 ans. Lakini utaelewa tu ndani ya miaka 5. Et c'est seulement dans 5 ans. Na ni ndani ya miaka 5. En regardant dans le rétroviseur. Ukiangalia nyuma. Ah oui. Utasema ndio. J'ai fait un songe. Il y a un frère qui m'a dit qu'il a eu une vision me concernant. Un jour, un dimanche, le pasteur était en train de prêcher. Il a libéré une parole. Je ne savais pas que c'est de moi qu'il s'agissait. Mais je vois l'accomplissement littéral de cette parole. 5 ans après, je me dis à quelqu'un, tout peut échouer sauf la révélation. Hapana. Je sais de quoi je parle. Najua naongelea nini? Vous savez pourquoi la révélation n'échoue pas? Unajua sababu gani ufunuo ushindwe? C'est la première leçon que Dieu a enseigné à Jérémie à l'école de prophètes. Inakuwa somo la kwanza ambao Mungu anamfundisha Yeremia kwenye somo la unabii. Il a dit à Jérémie. Na akamwambia Yeremia. Ne dis pas que tu es un enfant. Usiseme ya kwamba wewe ni mtoto. Sois courageux. Uwe na juhudi. Tout ce que je mettrai dans ta bouche. Va dire. C'est moi l'Éternel. Sababu mimi Bwana. Quand je libère une parole. Ninapoachilia neno. Je veille. Mungu anakesha. Je veille. Ninakesha. Je veille. Ninakesha. Je peux libérer une parole aujourd'hui. Naweza kuachilia neno leo. Nous sommes en 2019. En 2049. Je vais veiller à son accomplissement. Dieu veille sur sa parole. Et si quelqu'un qui m'écoute ce soir a reçu une révélation de la part de Dieu, la Bible dit en Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, attends-la, écris-la, parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Devrais-je répéter ce soir que la révélation n'échoue pas? Le deuxième élément. Dans le mode opératoire de l'onction, je ne sais pas comment je vais formuler ça. Sijui namna gani nitaisema. Le deuxième élément, jambo la pili, c'est une influence mystérieuse. Inakuwa ni ushawishi wa kisiri wa kishara. Une orchestration divine. Inakuwa ni kujionyesha kwa Mungu. C'est-à-dire que Dieu orchestre des choses. Ni kusema Mungu anafanya mambo. Et puis même quand tu ouvres grandement les yeux, tu ne peux pas le voir. C'est dans une analyse postérieure. Quand les faits sont déjà accomplis, et puis on essaie d'analyser. Et on dit non. Ça, si ce n'est pas Dieu, l'homme ne peut pas le faire. Vous savez que dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais c'est l'un des livres où la manifestation de l'influence de Dieu est plus que palpable. Je vous informe que l'onction est un chef d'orchestre. Écoutez très bien. Upako. Quand vous prenez le livre d'Esdras, kitabu cha Ezra, quand vous lisez Esdras chapitre 1, Esdras Ezra chapitre 2, Esdras Ezra chapitre 3, Esdras Ezra chapitre 4, Esdras Ezra chapitre 5, Esdras Ezra chapitre 6, Esdras sita, vous devrez vous arrêter. Unapasha kusimama. Entre le chapitre 6 d'Esdras, kati ya sura ya sita ya Ezra, et le chapitre 7 d'Esdras, na sura saba ya Ezra, il s'est déroulé sur 60 ans. 60 années entre les deux chapitres. Miaka makumi sita kati ya zile sura mbili. Mais ça c'est rien. Lakini hii ni bure. N'oubliez pas que les travaux étaient arrêtés. Musisahau ya kwamba kazi zilisimama. N'oubliez pas qu'il y avait un édit. Musisahau ya kwamba kulikuwa amri. Dieu a libéré une révélation. Mungu aliachilia ufunuo. Comment Zorobabel va faire? Namna gani Zorobabel atafanya? Mais la révélation le percute. Lakini ile ufunuo. La révélation l'enjoint de travailler. Ile ufunuo na msukuma enda katumike. Mais comment il va faire? Namna gani atafanya? Il va outrepasser le décret du roi. Je atavunja ile amrisho ya mfalme. Vous savez quoi? Mnajua nini? Dieu est fort. Mungu ni mwenye nguvu. Il a le secret de son orchestration. Anakuwa na siri ya matukio zake. Quand Dieu veut faire quelque chose, wakati Mungu anahitaji kufanya kitu, il ne s'occupe pas des lois de ce monde. Haangalie sheria za dunia hii. Eh ouais. Ndio. Il ne s'occupe pas de ça. Haangalie hiyo haihangaikie. Dieu n'est pas soumis à nos lois. Mungu haiko chini ya sheria zetu. Papa et ma, pardon. Papa et ma, samahani. Mais Dieu n'est pas soumis à vos lois. Lakini Mungu haiko chini ya sheria zenu. Dieu n'est pas soumis à ça. Mungu haiko chini ya hiyo. C'est pas lui qui les a décidés. Sio yeye aliyeziamua. Non, je suis pas en train de te dire de désobéir aux lois. Siko nakwambia usitii sheria. Je suis en train de te dire que Dieu n'est pas soumis, mais tu n'es pas Dieu. Lakini niko nakwambia Mungu haiko chini ya ile sheria lakini wewe si Mungu. Parce que personne ne peut engager un procès contre Dieu. Sababu hakuna mbaya anaweza kumchongea Mungu. Mais on peut engager un procès contre toi. Lakini wao wanaweza kuchongea wanakuweka mahakamani. Maintenant écoutez-moi très bien. Sasa mnisikilize vizuri. J'ai ma chargée de communication. ma chargée de communication. Anaye usika na kutangazaji habari wangu. Elle a candidaté pour un poste. Aliweza kugombea cheo fulani. À l'école polytechnique de France. Ndani ya shule ya technique nyingi ya France. Elle est camerounaise. Yeye ni mkamerun. Enfin, elle était maintenant elle a la nationalité française. Alikuwa mkamerun lakini sasa amekuwa mfaransa. Et pour travailler à l'école polytechnique de France, na, il y a tumike kwenye ile shule la polytechnique ya France. Français. Inaomba uwe mfaransa. Au moins de nationalité française. Uwe wa kiraia wa mfaransa. Elle venait à peine d'avoir son master 2. Alikuwa anamaliza kupata master yake ya pili. Elle avait le statut étudiant. Alikuwa kama mwanafunzi. Elle n'avait pas encore changé de statut. Na alikuwa hajamaliza kubadilisha utambulisho. Et il y a eu cet appel d'offre qui a été lancé. Na kuna kuwa kazi ambayo ilipewa. Elle a saisi l'appel d'offre. Na akachukua ile. Il y avait au moins 2000 personnes sur cet appel d'offre. Na kulikuwa watu 2000 waliogombea kazi. Ils en ont retenu une centaine. Na waliwashika tu watu. Et sur les 100, ils ont éliminé tout le monde. C'était pour un seul poste. Na wale moja wakawatosha wote na ilikuwa tu ni kazi moja. Elle a été la seule à être reçue à ce poste. Na yeye mwenyewe ndiye aliyekubaliwa kwa kazi hiyo. Elle devra avoir un dernier entretien. Angepasa kuwa na majadiliano ya mwisho. Avec le responsable des ressources humaines. Pamoja na anayesimamia wanaotumika. Elle devra aller à l'entretien. Angepasa kwenda kwenye majadiliano. Elle m'appelle. Ananiita. Elle dit papa, j'ai un problème. Ananiambia baba na shida. Je dis ton problème c'est quoi? Namwambia shida yako ni nini? Elle dit j'ai réussi. Anasema nimefaulu. Sauf que lakini, en fait, il n'y a que les Français qui travaillent là. Ni wa Faransa tu wanaotumika hapa. Je suis étudiante. Mimi ni mwanafunzi. J'ai un statut d'étudiant. Ninakuwa na utambulisho. Je n'ai même pas de résidence. Na sina hata mahali. Je ne mérite même pas ce poste. Ni kusema sistahili cheo hicho. En fait, je ne dois même pas aller à l'interview. Kwanza sipaswi enda hata kule kwa majadiliano. Je lui ai dit. Nilimwambia. Tout le travail que Dieu a fait là. Ile kazi yote ambayo Mungu alifanya. Tu penses que Dieu n'est pas au courant de ces lois? Unawaza Mungu ajui sheria hiyo? Vous savez quoi? Dieu est plus informé que nous. Mungu ana habari kutushinda sisi. Oui, ndio. Toi tu vas quelque part. Wewe unaenda nafasi fulani. Parce que il y a un appel d'offre. Sababu kuna watu ambao wamesema. Tu déposes ton CV. Et à peine tu tournes le dos. On te dit dans cet endroit là. Oh, il y a trop de corruption. Il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais tu n'es pas concerné. Lakini wewe hausiki. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas concerné. Elle me dit, mais je fais quoi? Je lui dis, écoute-moi très bien. Quand tu vas arriver devant le directeur des ressources humaines, ne réponds qu'aux questions qu'il te posera. Ujibu tu kwa maswali ambayo atakuuliza. Si y a des questions qui ne te posent pas, kama kuna maswali ambayo akuulize, ne cherche pas à répondre à ça. Usitafute kujibu. Elle va à l'interview. Anaenda kwenye majadiliano. Et c'est juste une causerie de routine. Na inakuwa tu ni maongezi ya kawaida. On lui dit seulement demain tu commences le travail. Na wanamwambia kesho naanza kazi. Suivez. Fuata. Maintenant le lendemain commence le travail. Kesho yake anaanza kazi. Et la secrétaire du directeur des ressources humaines. Na katibu wa mwongozi wanaotumika. À la fin de la première semaine. Kisha wiki ya kwanza. Va la voir. Antamona. Ah, mais on a oublié de prendre ton identité, ton statut, on a oublié tout ça. Walisao kutua uraia wako, utambulisho wako. Là, elle a dit non, j'ai un statut étudiant. Anasema mimi ni mwanafunzi. C'est une grande institution, l'école de polytechnique. Inakuwa ni kituo kikubwa shule la polytechnique. Ils ne peuvent pas exposer leurs lacunes. Na hawezi kuonyesha makosa yao. La femme a attrapé sa tête. Ule mwanamke akashika kichwa chake. Elle a informé le directeur. Akamwambia mwongozi. Le directeur dit OK, on va l'aider à changer de statut. Director akasema tutamsaidia kubadilisha utambulisho wake. On va l'aider à changer de. Tutamsaidia kubadilisha utambulisho wake. Vous savez quoi? Dieu n'a pas de problème. Mungu hana shida. Dieu n'a que des solutions. Mungu tu ana majibu. Ce sont les hommes qui ont des problèmes. Watu ndio wana shida. Est-ce que quelqu'un peut dire pasteur prêche? Je kuna mtu anaweza sema mchungaji hubiri. Le roi qui a signé l'arrêt des travaux s'appelait Ahasuerus. Mfalme ambaye alisema kwamba kazi zisimama aliitwa Asuero. Au moment où il signait l'arrêt des travaux, na wakati aliposema ya kwamba kazi zisimame, sa femme s'appelait Vashti. Mwanamke wake aliitwa Vashti. Un jour, siku moja, il organise un festin. Anatayarisha karamu. Et devant tout le monde, na mbele ya watu wote, Vashti lui désobéit. Vashti anamsarao. Député irrité, le roi Mufalme renvoie Vashti. Anamfukuza Vashti. Et il fait un appel d'offres pour un poste de reine. Juu ya kuwa malkia. Un seul poste de reine. Na kuna kuwa tu mtu ça va durer des mois. La sélection va être dure. Vous connaissez la suite. Esther, coachée par Mardoché. Qu'est-ce que Mardoché dit à Esther? Ne révèle Esther pas d'où tu viens. Ne dis pas que tu es juif. Parce qu'une juive ne peut pas être reine dans le royaume perse. Mais écoute-moi très bien. Les obstacles sont pour les hommes. Les obstacles sont pas pour Dieu. Quand les hommes ont décidé de certaines lois pour t'empêcher d'avancer, souviens-toi qu'il y a l'Éternel des armées, le Dieu des cieux. Papa Eston, Baba Eston, les Perses wa Peresi ont mis en place des critères de sélection rigoureux. Waliweka kanuni za kuandikisha wale wa malikia ambazo zilikuwa ngumu. Ils étaient à mille lieues walikuwa kwa nafasi ya de réaliser ili waweze kutimiza que une juive va traverser le filet. Hawangewaza kufikiria kwamba Myahudi atapita. Mardoché a dit, na Mordekai akasema, ne révèle pas que tu es juive. Usifunue usiwambia kwamba wewe ni Myahudi. J'ai compris ton temps. Nimeelewa baba. J'ai compris. Nimeelewa. Elle a franchi les étapes. Nakavuka mipaka. Franchi les étapes. Akavuka hatua. Franchi les étapes. Akavuka hatua. La dernière étape du casting. Hatua ya mwisho. C'était devant le roi. Ilikuwa ni kupita mbele ya mfalme na Esther. Élégamment habillée. Akivaa vizuri. Il y avait les filles perses qui étaient là. Na kulikuwa wanawake wa Dieu veut faire quelque chose. Oh, qui est-ce qui peut l'arrêter? Nani anaweza? Je parle de ton Dieu. Je parle de celui que tu adores. Je parle du Dieu de l'arche. Je dis que le Dieu de l'arche, quand il a décidé de te positionner, personne ne peut l'arrêter. La corruption ne peut l'arrêter. L'injustice ne peut l'arrêter. La méchanceté ne peut l'arrêter. Il va frayer un chemin. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Mes amis, j'ai parlé de la révélation comme le premier pilier dans l'action de l'onction. Je suis en train de vous démontrer l'influence mystérieuse. Ça, c'est le secret de l'onction. C'est-à-dire, il mélange tout et il arrange tout pour le compte de Dieu. Oh, est-ce que je prêche à un peuple ce soir? J'ai l'onction, upako, il sème la confusion. Inaleta mchanganiko. Là où les gens sont opposés à Dieu, mali ambapo watu et il ouvre le chemin pour les enfants de Dieu. Kwa ajili ya watu wa Mungu. Esther est entrée dans le palais d'Ahasuerus. Esther akaingia ndani ya nyumba ya Asuero. Esther épouse Ahasuerus. Na Esuero akakuwa mwanamke wa Asuero. Vous connaissez cette histoire. Mnajua hiyo historia. Plus tard, baadaye, Ahasuerus va découvrir qu'Esther est juive. Asuero akagundua ya kwamba Esther ni Myahudi. Mais c'était trop tard. Lakini ilikuwa amechelewa. Il était déjà tombé amoureux. Alikuwa ameshapenda. Il avait déjà pratiqué Esther. Alikuwa amefanya yote. Quand Aman voulait tuer Mardoché. Na wakati Aman alitafuta kumua Mordekai. Vous connaissez l'histoire. Mnajua historia. C'est à cette occasion là. Ni uko wakati ule. Mardoché a dit à Esther. Mordekai akamwambia Esther. Qui c'est? Nani anajua? Si c'est pas pour un temps comme celui-ci. Kama haiko kwa muda kama na huu. Dieu t'a mis là. Ambao Mungu amekuweka hapa. Tout ça là c'est pour vous expliquer ce que je veux vous expliquer. Na hii yote ni kwa ajili ya kufasiria ile ambayo nitawafasiria. Dites pasteur prêche. Sema mchungaji hubiri. Esther et Ahasuerus. Esther na Ahasuero. Ont eu des enfants. Walikuwa na watoto. Un de leurs enfants s'appelle Darius. Na mmoja wa watoto wao anaitwa Dario. Ezra chapitre 5. Ezra sura 5. Ahasuerus est déjà mort. Ahasuero ameshakufa. Darius est devenu roi. Na Dario amekuwa mfalme. Darius a 50% de sang perse. Dario anakuwa mupersi. Et 50% de sang juif. Na anakuwa na damu ya Kiyahudi. Et Darius est informé. Na Dario anajua. Qu'il y a un projet de construction d'un temple de l'Éternel Dieu. 50%. Ya kwamba kuna kuwa mradi wa kujenga hekalu la Mungu. Oh, je parle pas quelqu'un. Je vous laisse. Je vais parler à cette tranchée. Je vais vous parler. Vous allez me comprendre. Écoutez-moi très bien. Darius est informé. Dario anajua. Que les Juifs. Ya kwamba Wayahudi. C'est-à-dire 50% de lui-même. Ni kuseme na kwa sembo yake. Sont à Jérusalem. Wanakuwa Yerusalemu. Ils veulent construire le temple. Na wanahitaji wajenge. Et son père à Zérus. Na baba yake Asuero. A bloqué la construction. Alisimamisha kujenga hekalu. Quand il lit la lettre. Anaposoma kibarua. Il y a une partie de lui sa moitié qui bouge. Mes amis, prenons Esdras chapitre 5. Esdras chapitre 5. Esdras chapitre 5. Esdras chapitre 5. Ouf. Mon Dieu. Mon Dieu. Esdras chapitre 5. Esdras suratano. Verset 1. Musari wa kwanza. S'il vous plaît. Tafazali. Oh, merci. Verset 1. Verset 1. Shaili ya kwanza. Ok, 20. Regardez. Tazama. Souvenez-vous, Mukumbuke. Je vous ai proposé une schématisation. Niliwaonyesha atua. La schématisation du livre d'Esdras. Atua ya kitabu cha Ezra. Souvenez-vous, chapitre 1, Mukumbuke, l'édit du roi. Amrisho chapitre 2, le recensement. Chapitre 3, ceux qui sont retournés commencent à bâtir le temple en bâtissant l'autel. Chapitre 4, l'opposition. Chapitre 5, la révélation par la voix prophétique. Première action de l'onction. La révélation. Agé. Agai. Le prophète Nabi, Zacharie, Zacharia, fils de Dieu, le prophète Nabi, prophétisait. Regardez que dans ce verset un seulement, le mot prophète, prophétie vient trois fois. Trois, c'est le chiffre de la Trinité. Ça veut dire que la Trinité divine est sur le point d'entrer en action. Et je dis à quelqu'un, si Dieu t'a donné une révélation, peu importe par qui il est passé, c'est qu'il est sur le point d'agir, c'est qu'il va te favoriser, c'est qu'il va changer les choses. Est-ce que vous me comprenez? L'onction, c'est la rallonge divine. Et la rallonge divine passe par le fil de la révélation. Maintenant, regardez. Esdras chapitre 6. Esdras sura 6. Ok. Chapitre 5, c'est quoi? Sura 5, ni nini? Chapitre 5, c'est la révélation. Sura 5, ni ufunuo. Chapitre 6. Sura 6. Wow. Alors, le roi... Ça, ça me falme. Le roi qui? Me falme. Le roi? Me falme. Il donne ordre anapana amri. De faire des recherches watafanya utafiti. Dans la maison des archives. Ndani ya nyumba ya vibarua vya kale. Où l'on dépose les trésors à Babylone. Mahali ambapo unaweka hazina Babylone. Et l'on trouva Ashmeta. Na wakapata Akimeta. Capitale de la province de Médie. Un rouleau sur lequel écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie. Verset 4. Soyez prompt s'il vous plaît. Verset 4. Trois rangées de pierres de taille, les frais seront payés par la maison du roi. Papa Emma, si je me trompe, il faut me dire. Cyrus Kiro était roi avant Azurus. Ni mufalume mbele ya Suero. Cyrus signe un décret na Kiro anaweka amrisho autorisant la reconstruction du temple. Ambao inaamuru kujenga kwa hekalu. Après lui, na kisha yeye, Azurus qui lui succède, Asuero signe un décret naya na interdisant la reconstruction du temple. Ambao inakataza kujenga hekalu. Entre les deux décrets, kisha hii kati ya hizo amri mbili, lequel est plus valide? Ya wapi ambao unatumika? C'est celui qui abroge. Parce que c'est le dernier décret. Quand on expose la situation à Darius, il ignore le décret d'Azurus. Il va chercher dans les archives le décret de Cyrus. Nanenda kutafuta ndani ya vitabu ile amri ya Kiro. Mes amis, rafiki zangu, Dieu n'est pas soumis à nos lois. Mungu haiko chini ya sheria zetu. Tu sais quoi? Unajua nini? Je veux déclarer une parole sur la vie de quelqu'un. Nitasema neno juu ya maisha ya mtu. Dieu va te faire entrer là où tu ne mérites pas d'entrer. Mungu atakuingiza mahali ambapo hausaidi kuingia. Le pasteur qui représente notre mission en Côte d'Ivoire. Mchungaji ambao anakilisha misioni yetu Evercast. Le pasteur. Mchungaji. Qui représente notre mission en Côte d'Ivoire. Ambao anakilisha misioni yetu Evercast. Il fait partie des 5 grandes personnalités de CFAO Côte d'Ivoire. Anakuwa miongoni mwa watu tano kubwa wa CFAO huko Ivory Coast. Il n'a jamais eu le bac. Na hajapata hata cheti ya bac. Il est entré à CFAO. Aliingia huko kwa CFAO. Avec le brevet. Akiwa tu na cheti ya masomo ya msingi ambayo inakuwa huko kwetu kama certificat d'études primaires. Les gens lui ont donné un poste. Na watu waliompa kazi hiyo. Et ils ont fini par réaliser qu'il ne méritait pas le poste. Wakaona kwamba stahili ile cheo. Mais le décret de nomination avait déjà été signé. Lakini amri ya kumweka hapo ilikuwa imeshawekwa sahihi. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Naamuru tu ya maisha ya mtu. Dieu va te donner ce que tu ne mérites pas. Mungu atakupatia ile ambayo hausaidi. Esther ne méritait pas d'épouser Azuérus. Saül ne méritait pas de devenir roi en Israël. C'est écrit dans la Bible. La royauté est pour Juda. Saül est de la tribu de Benjamin. Dieu peut te donner ce que tu ne mérites pas. Dieu peut te donner ce que tes parents n'ont pas mérité. Dieu peut te donner ce que tes parents n'ont pas eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi. Quelquefois, Dieu ne regarde pas au diplôme. Quelquefois, Dieu ne regarde pas notre situation sociale. La seule chose que Dieu prend en compte, nous sommes en alliance avec Dieu. Papa Eston. Baba Eston. L'onction n'a pas d'égard. Upako. Haijali. Pour les lois humaines. Haijali sheria wanadamu. Papa. Baba. L'onction n'est pas respectueuse des lois humaines. Upako haiheshimu sheria za wanadamu. Quand l'onction rentre en action. Upako inaanza kutenda. L'onction ne s'occupe que d'une seule chose. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Le plan de Dieu. Upango wa Mungu. Wow! Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a quelqu'un dans cette salle. Kuna mtu ndani ya chumba hiki. Ta situation est sur le point de changer complètement. Aliyako natafuta kubadilika yote. Ta situation est sur le point de changer complètement. Aliyako natafuta. Je vais dire à quelqu'un, nitamwambia mtu, ne regarde pas seulement dans la direction de ce que tu mérites. Usiangalie tu ndani ya ile ambayo unastahili. Si tu regardes dans la direction de ce que tu mérites, ukiangalia ndani ya ile ambayo unastahili, tu regardes dans la direction de tes 7 ressources. Unaangalia ndani ya ile rasilimali yako 7. Il y a une autre direction kuna ingine mwelekeo que tes ressources ne peuvent pas t'indiquer. Ambao rasilimali ama uwezo wako haiwezi kukupatia. Papa Eston. Papa Eston. Un ange est venu rendre visite à Marie. Malaika moja akakuja kumtembelea Maria. L'ange dit à Marie. Na malaika anamwambia Maria. Toi tu seras enceinte. Wewe utakuwa mjauzito. Et l'enfant que tu vas enfanter. Na mtoto utakayezaa. Concevoir. Ce sera le Messie. Marie dit, c'est pas possible. Eu égard à mes ressources actuelles. Ce n'est pas possible. L'ange lui dit, Marie, tes ressources ne seront pas sollicitées. Le Saint. Lakini Roho Mtakatifu atafunika. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, te couvrira. Atakufunika. Tes ressources seront mises en suspens. Na rasilimali zako tes ressources seront ignorées. Marie, ne regarde pas dans la direction de tes ressources. Quand Dieu veut faire quelque chose, tes ressources ne l'intéressent pas parce que Dieu veut mériter sa signature sur ton élévation. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu veut mériter sa signature sur ton élévation parce que Dieu est jaloux. Il ne veut pas qu'on dise que c'est parce que tu as beaucoup étudié que tu es arrivé là, que c'est parce que tu es trop joli que tu es arrivé là. Quand nous sortons de cette convention, ne regarde plus dans la direction de tes ressources. Elles sont limitées. Elles sont soumises à des restrictions. Elles peuvent enfermer ta destinée. Elles peuvent retarder ta vie. Mais il y a une possibilité d'extension. Et cette extension est une méthode. Cette extension est un moyen. Et cette extension a un nom. Le nom c'est Upako. Quand Marie, wakati Maria, est tombée enceinte, alikuwa na ujauzito. Les gens étaient sur le point de la lapider. Watu walitafuta kumpiga mawe. Les parents de Joseph, wazazi wa Yusufu, quand ils ont appris, walipoelewa, ils ont appelé Joseph. Wakamwita Yusufu. Ils ont dit à Joseph, wakamwambia Yusufu, cet opprobre, nous ne sommes pas prêts à l'accepter dans notre famille. Ayubu hii hatutaikubali ndani ya jamaa yetu. Elle n'est pas la seule fille. Yeye si mwanamke mmoja, binti moja. Les vierges, il y en a beaucoup. Kuna wabikira wengi. Depuis que nos parents nous ont mis au monde. Tangu wazazi wetu walipotuzaa. Jusqu'aujourd'hui. Mpaka leo. Personne n'a pris de grossesse sans être approché par un homme. Hakuna mtu aliyechukua ujauzito bila kumkaribia mwanaume. Et toi Joseph, tu vas croire à ces histoires que Marie te raconte là? Na wewe Yusuf utamini ile histoire ambayo Maria anakuhadithia hapo? Dis avec moi onction. Sema pamoja nami upako. Marie n'avait plus d'argument. Maria alikuwa hana kisababu. Marie n'avait plus d'argument. Maria alikuwa hana kisababu cha kuonyesha. Pour convaincre Joseph de son honnêteté. Ili amuitikisha Yusufu juu ya ukamilifu wake. Si tu étais à la place de Marie. Ungekuwa Maria. Quel argument aurais-tu invoqué pour convaincre ton fiancé? Ungetumia nini ili umuitikishe mchumba wako? La preuve elle est là et elle est têtue, tu es enceinte. Kisababu kunakuwa kitambulisho hapo na ujauzito. Jamais personne n'est tombé enceinte sans être approché par un homme. Na kuna mtu ambaye alikuwa mjamzito bila kumkaribia mwanaume. Développe ton argumentaire. Anza kuongea jinsi unataka. Ça ne me dissuade pas. Na haitanibadilisha. La dernière conversation que Joseph a eu avec Marie. Masumulio ya mwisho ambayo Yusuf alipata na Maria. J'imagine Marie en train de pleurer. Naona Maria akilia. Pour dire, chérie, je n'ai rien fait. Mais je ne sais pas comment je vais te le dire. Je t'informe que c'est un ange. L'ange aussi, pourquoi il ne revient pas? Pourquoi l'ange ne revient pas? Pendant que je suis avec toi. Mais ce n'est pas possible. Mais Dieu, pourquoi tu m'as mis dans cette affaire? En clair, Marie avait peur d'être divorcée avant d'être mariée. Maintenant, écoute-moi. Ça sonne ce quand tes ressources. Ne peut pas te proposer des arguments. L'onction a les arguments nécessaires. La Bible dit, Joseph va se coucher. Pendant qu'il dort, l'ange de Dieu, Joseph, Yusuf. Dieu travaille par Mungu anatumika kupitia l'ange de Dieu. Malaika wa Mungu visite Joseph dans le songe. Anamtembelea Yusufu ndani ya ndoto. Joseph. Yusufu. Ce que tu as envie de faire là. Ile ambayo unatafuta kufanya hapo. Ne le fais pas. Usifanye. Parce qu'en fait Marie, tout ce qu'elle t'a dit là. Sababu ile yote ambayo Maria amekwambia. C'est pas un juif qui a fait ça. Sio Myahudi aliyeifanya. C'est God himself. Ni Mungu yeye mwenyewe. C'est Dieu qui a fait ça. Ni Mungu ndiye aliyeifanya. Maintenant écoutez-moi bien. Ça sonne nisikilize kwa makini. L'ange a dit ça à Joseph. Malaika akamwambia Yusuf. Joseph ne sont pas au courant. Na Yusuf alikuwa. Wazazi wake walikuwa wajui. Les parents sont pas au courant. Wazazi hawajui. Ça aurait été très facile pour Joseph. Na ingekuwa rahisi sana kwa Yusuf. Que Dieu dise ça avec une trompette. Mungu aiseme pamoja na parapanda. Je suis l'Éternel des armées. Mimi ni Bwana wa majeshi. Le cas de Marie est une exception dans l'humanité. Marie n'a pas commis de bêtises. Marie hakufanya makosa. C'est Dieu lui-même qui a décidé. Donc laissez Marie tranquille. Ce serait facile. Frères et sœurs. Dada na kaka. L'onction n'a d'égard pour personne sinon que pour Dieu seul. Upako haijali na mtu kama iko Mungu yeye mwenyewe. L'onction est dangereuse. Upako inakuwa hatari. L'onction est terrible. Upako ni hatari. L'onction est quelque part. Upako wakati inakuwa nafasi fulani. C'est Dieu lui-même qui est là. Si Mungu yeye mwenyewe ndiye iko hapo. Ah, l'onction. Upako. Demain? Kesho. Nous allons parler des différents aspects de l'onction. Comme ça, ça va nous faire avancer un peu dans l'onction diversifiée. Quand Joseph se réveille, il dit à Marie, en fait, ce ne sont pas tes propos qui m'ont convaincu. Hein. Vous connaissez l'histoire de Mardoché, non? Si vous connaissez l'histoire de Mordecai, il devrait être pendu. Ange paswa kutundikwa. Vous savez ce qui s'est passé? Unajua nini ilipitikana? Azurus. Asuero. Dans son sommeil. Ndani ya usingizi wake. Réveillé. Aka. Non, mais vous réveillé. Akapata ufunuo. Il se réveille. Dis, mais au fond, il y avait eu un coup fomenté contre le royaume. Ceux qui ont dénoncé le coup, quelle a été leur récompense? Qu'est-ce qui a ramené cette affaire à la mémoire du roi? L'onction. Tu sais ce que l'onction va faire? L'onction va faire oublier tes défauts. Tu vas te retrouver devant une situation. L'onction va faire oublier tes défauts. C'est quand les gens vont te prendre. Ni wakati watu watakuchukua. Et puis d'autres personnes vont dire, mais celle-là. Na kisa watu wawili watasema, elle était dernière de la classe, non? Salikuwa wa mwisho ndani ya masomo. Mais Dieu l'a positionné comme première de la classe. Lakini Mungu ndiye amempatia cheo kama wa kwanza wa shule. La première façon d'agir de l'onction, namna kwanza kutenda upako, la révélation. Ufuno. La deuxième façon d'agir de l'onction, ya pili ya kutenda upako, l'influence mystérieuse. Inakuwa ni ushawishi wa kisiri. Cette influence-là, ile ushawishi, demain nous allons connaître les différents noms. Kesho tutajua jina zake. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, je t'envoie en Égypte, ninakutuma Misri, mais je sais Lakini ninajua que Pharaon ne voudra pas vous laisser sortir. Ya kwamba Pharaon atawaacha mwende. Une main puissante. Lakini mkono mwenye nguvu. C'est l'onction. Ni upako. Une main puissante. Mkono mwenye uwezo. C'est l'onction. Upako. On joue pas avec l'onction. Hawachezaki na upako. Parce que l'onction peut prendre toutes les formes. Sababu upako inakuwa ndani ya nyuso zote. L'onction, papa, upako, peut prendre la forme d'un serpent des reins. Inaweza kuwa kama nyoka ya shaba. L'onction est dans le serpent des reins. Upako inakuwa ndani ya nyoka ya shaba. Non, le serpent des reins n'est rien. Oh, nyoka ya shaba si kitu. Mais c'est la présence de Dieu qui couvre ça, qui est quelque chose. Lakini inakuwa ni uwepo wa Mungu ambao unafunika kitu. Vous savez que plus tard, unajua baadaye, les gens ont gardé le serpent des reins. Watu wali et ils en ont fait une nyoka ya shaba. Mais ça ne guérissait plus personne. Lakini ilikuwa iponye tena mtu. L'onction. Pako. Le troisième pilier. Yatato. Dans la manière d'agir de l'onction. Ndani aina ya kutumika ya upako. Dites-moi, le premier élément c'est quoi? Jambo la kwanza ni nini? Le deuxième élément. Ya pili. L'influence mystérieuse. C'est une orchestration divine dont Dieu seul a le secret. Inakuwa matukio ya kimungu ambao Mungu yeye mwenyewe ana siri. Franchement? Kweli? Il y a des rencontres que tu fais et puis tu te demandes, mais comment est-ce que j'ai pu rencontrer papa et ma quoi? Kuna watu nakutana na kisa mwenye unajiuliza namna gani nilikutana na papa et ma? Comment? Namna gani? Il ne faut pas compter sur tes moyens. Hayomba uhesabu juu ya mapato yako. Il faut pas compter sur ta poche. Hayomba uhesabu juu ya mfuko wako. Il faut pas compter seulement sur ton compte en banque. Hayomba uhesabu juu ya kiasi cha quelque chose que tu ne vois pas sur lequel tu dois compter. Hauoni lakini unapaswa hesabu juu ya hiyo. Tu ne peux pas. Hata wakati hauwezi. Lui sait comment s'y prendre. Il sait comment s'y prendre. Il sait comment agir. Il sait comment toucher les cœurs. Anajua namna gani kugusa mioyo. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa. Alors, est-ce que ce que je dis là a du sens? Tout ce que je suis en train de dire, est-ce que ça a un sens? Je yote ninayosema inakuwa na maana. Si ça a un sens, il faut acclamer le Seigneur. Kama ina maana shangilia Bwana. La troisième. Ya tatu. Manière d'agir de l'onction. Aina tatu ya kutumika upako. C'est que l'onction initie des actions puissante et miraculeuse. Ni kusema upako inaleta matendo ya uwezo na miujiza. Donc premièrement révélation. Ni kusema ya kwanza ni ufunuo. Deuxièmement influence. Ya tatu na kuwa ushawishi. Et troisièmement manifestation puissante. Na ya tatu na kuwa ufunuo ya uwezo. Regardez. Angalia. Le prophète dit. Nabii anasema. En pleine famine. Le prophète dit au roi. Na nabii anamwambia mfalme. Le prophète Élisée. Demain, il y aura de la nourriture. Kutakuwa chakula. Les chansons du roi. Na ule towasho mfalme. Élisée ne délie pas. Akasema même Elisha si we. Dieu ouvre des fenêtres. Hata Elisha, Mungu anafungua madirisha. Ça peut pas arriver. Haiwezi kufika. Élisée lui dit. Na Elisha anamwambia. Ça va arriver. Itafika. Sauf que. Lakini. Tu ne mangera pas. Hautakula wewe. Tu ne goûteras pas ces choses. Hautanusa kwa mambo hayo. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Utaiona itafika. Vous connaissez la Bible? Unajua Biblia? Ce sont les lépreux. Ni wakoma. Les lépreux? Wakoma. Sont des impurs. Wao hauni wachafu. Ils sont en quarantaine. Wanakuwa kando. Pourquoi ce sont les lépreux qui sont partis? C'est l'affaire de l'onction. Parce que l'onction n'est pas regardante. L'onction ne regarde pas ces choses. Et les vraies personnes qui n'étaient pas lépreux ne pouvaient pas faire ce que les lépreux ont fait. Vous savez ce que les lépreux ont dit? Si on reste ici, on va mourir. Si on va là-bas, on va mourir. Sauf que, si on va là-bas, il y a la possibilité de ne pas mourir. Par contre, si on reste ici, il y a une seule possibilité. On va mourir. Donc, on va aller là où il y a deux options. On va aller là où il y a une alternative. Donc, ils vont. Wanaenda. Et c'est les lépreux là s'en vont. Wale wakoma onenda. Et quand ils arrivent, na onapofika, quel spectacle! Tout le camp tukiro gani walio yote est abandonné. Kambi yote wakuna mtu. Parce que les gens là, sababu wale watu, ils ont entendu un bruit. Walisikia fujo. Comme le bruit des chars. Kama vile fujo ya magari ya vita. Vous savez ce qui marchait? Unajua. C'était pas des chars vrais. Wai kukua magari ya vita. C'est l'onction qui marchait. C'est l'onction qui agissait. C'est l'onction qui faisait cela. L'onction est capable de beaucoup de choses. Upako inaweza mambo mengi. L'onction. Upako. C'est un mystère. Inakuwa ni siri kubwa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je tunaweza kumshangilia Bwana. Peuple de Dieu, watu wa Mungu. Nous allons avancer étape par étape. Tutaenda hatua kwa hatua. Hier nous avons parlé de la nécessité de l'onction. Jana tulizungumzia umuhimu wa upako. Aujourd'hui, je me suis employé à vous expliquer les trois piliers dans le mode d'action de l'onction. Leo nimewafasiria juu ya nguzo tatu ndani ya namna kutumika ya upako. Révélation, ufunuo, influence, ushawishi wa kisiri, et manifestation puissante. Na kuonekana kwa nguvu. Dieu agit. Mungu anatenda. Et on voit Dieu à l'œuvre. Na unaona Mungu akitenda kabisa. Ah, le doigt de Dieu est en action. Unasema kidole cha Mungu kinatenda. Tu es riche de l'onction que Dieu t'a donnée. Uko mtajiri kupitia upako Mungu aliyokupatia. Ce n'est pas ton compte en banque qui te rend riche. Sio kanta yako kwenye benki na kufanya mtajiri. Ce n'est pas ton diplôme qui te rend riche. Sio cheti chako kinachokufanya mtajiri. Ce ne sont pas tes relations qui te rendent riche. Sio mahusiano yako yanayokufanya mtajiri. Parce que toutes ces choses peuvent finir. Sababu mambo haya yote yanaweza kuisha. Toutes ces choses peuvent arriver à leur épuisement. Mambo haya yote yanaweza kufika. Mais l'onction est ta richesse. Lakini upako ni utajiri wako. L'onction est ta richesse. Upako ni utajiri wako. L'onction est ta richesse. Upako ni utajiri wako. Ma richesse. Upako ni utajiri wangu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je tunaweza kusimama. Bien-aimé, wapendwa, nous allons juste dire au Seigneur tutamwambia tu Bwana que nous avons besoin ya kwamba tunahitaji d'évoluer dans son onction. Tuendelee ndani ya upako wake. Nous avons besoin tunahitaji qu'il le libère. Achirie. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Sijui uko ndani ya hali gani. Je ne sais pas à quoi tu es confronté. Sijui unakuwa mbele ya nini. Mais une révélation suffit. Lakini ufunuo moja inatosha. N'est-ce pas que le centenier a dit, dis seulement une parole. Si ule akida. C'est quand il y a une parole qui sort de la bouche de Dieu. Ni neno inayotoka ndani ya kinywa cha Mungu. Nous allons lever les deux mains vers le Seigneur. Tutanyosha mikono yetu mbele ya Mungu. Et tu vas prier pour toi-même. Na utajiombea wewe mwenyewe. Je veux dire à quelqu'un. Nitamwambia mtu. Si Dieu te fait la grâce d'entendre ce que tu viens d'entendre. C'est parce qu'il veut créer en toi la foi qui va lui permettre de t'amener là où il veut t'amener. La semence de Dieu ne te parvient pas pour rien. La semence de Dieu contient l'intention de Dieu. La semence de Dieu contient le futur de ton histoire. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Et prie pour que Dieu ouvre ton esprit. Que tu sois connecté à la source de révélation. La révélation libère. La révélation propulse. La révélation libère de la peur. La révélation délivre de l'inquiétude. La révélation fait bouger le paresseux. La révélation libère des chaînes. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de révélation. Mais Dieu t'accorde de recevoir de lui la révélation. La Bible dit, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à vous. Sont à vous. Ce soir, j'ai reçu des paroles. La révélation a percuté ton cœur. Tu as reçu des paroles. Dieu est sur le point. Mungu anatafuta. Dieu est sur le point. Mungu iko karibu. D'accomplir quelque chose dans ta vie. Jambo fulani. Dieu est sur le point. Mungu iko karibu. D'écrire une nouvelle page de ton histoire. Merci Jésus. La santé Jésus. Roko bashe keri baba baba. Kori abashe keri baba baba. Merci Seigneur. La santé buona. Kori abakoshe keri baba. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Wow. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Dans cet ensemble réuni à prière, souffle, Esprit de Dieu. Dans cet orando qui dévore ses rivages, souffle. Cet ensemble réuni en prière, souffle, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit.